accordéon, on entend parfois les notes d'un accordéon qui pleure à mi-voix. C'est pas la chanson d'amour de chaque jour, ni le refrain vif et bien parisien. C'est quelque chose de différent, ça semble tout gris. La nuit des couples errants, les coups surpris. C'est un air qu'on dirait là de tout écœuré. Ça fait pleurer. C'est la java de celui qui s'en va sans regarder en arrière. Seul dans la nuit en laissant derrière lui les regrets et les prières. Tous les bobards, il en a eu sa part. Tous les serments, il les sait. Et comment, aussi lassé, dégoûté du passé, il s'en va le cœur blessé. C'est la java, c'est la pauvre java de celui qui s'en va. C'est la java, c'est la pauvre java de celui qui s'en va. Il y a des soirs comme des bouts de lin où le cœur lassé, dans le silence fait son bilan des amours passés. Ce qu'il entend autour de lui dans la nuit, ce n'est plus le chant d'amour des beaux jours. Comme des gueux battant le pavé, tous les souvenirs semblent ce soir d'un air mauvais vers lui revenir. Et là-bas, à mi-voix, semble chanter pourquoi, comme autrefois. C'est la java de celui qui s'en va sans regarder en arrière. Seul dans la nuit, en laissant derrière lui les regrets et les prières. Tous les bobards, il en a eu sa part. Tous les serments, il les sait. Et comment, aussi lassé, dégoûté du passé, il s'en va le cœur blessé. C'est la java, c'est la pauvre java de l'amour qui s'en va. C'est la java, c'est la pauvre java de l'amour qui s'en va.